Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir. Alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Et oui, mercredi, donc 48 heures, est sorti sur tous les écrans français The Flash, le film américain réalisé par Andrés Muschietti. Et sachez qu'on a eu de la chance parce que ce film Flash ne sort qu'aujourd'hui, 16 juin, aux États-Unis. Donc les Américains n'ont pas encore pu voir ou l'ont vu à partir de cet après-midi, enfin je sais pas quelle heure il est d'ailleurs aux États-Unis, ça dépend où vous êtes, sont en train de le découvrir alors que nous on déjà depuis mardi soir lors de l'avant-première où j'étais. Alors déjà premier constat. Alors, comment cela se fait ? Je ne sais pas. C'est assez surprenant. C'est américain ? C'est américain pourtant, mais en France et en Europe c'est sorti le 14. Alors première surprise déjà. Avant toute chose, une salle quasiment vide. J'étais assez surpris. Oui, il faut prendre nos billets, il faut les machins, ça va être blindé. On était allé une centaine, une petite centaine. C'est pas énorme, mais il y a les grandes salles de l'UGC, c'est pas, voilà, c'était pas blindé. Ouais, hein. Mais est-ce qu'ils se sont pas plantés sur la communication? Ils ont peut-être dit c'est une avant-première spécialement organisée pour Benoît de Ça ira mieux demain. Ouais, non, et c'est pour ça que les gens ne sont pas venus. Non, mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément grand monde. Alors attention, certainement c'est le bac, voilà, c'est des semaines où on peut-être pas trop, où les gens se réservent pour la fête du cinéma. En tout cas, si j'ai bien suivi l'émission de ce matin, ce soir, vous aurez un spectateur de plus, puisque Davy va voir The Flash ce soir. Davy, si tu es dans ta voiture pour te rendre à l'UGC ou au Kinépolis pour regarder The Flash, très bonne soirée. Alors, The Flash, ce film, il est attendu, mais attendu. C'est le 13e film de l'univers cinématographique DC, et il met donc en scène le personnage du même nom édité par les DC Comics. Laurent en parlait, effectivement, les DC Comics, et c'est un des personnages un peu que toi et moi on affectionne particulièrement, si on nommait peut-être le grand maître à tous, le Superman de Christopher Reeves, que les plus jeunes ne connaissent pas, n'est-ce pas Manon? Alors ce film là il a une histoire. Parce que, en fait, c'est un film qui... C'est un peu comme Un jour sans fin. Le film sans fin, on peut appeler ça. Puisque ce projet de film sur Flash remonte aux années 80. Lorsque Warner Bros. A chargé Jeff Loeb d'écrire un premier script. Le projet ne va pas se concrétiser. En 2004, le studio engage cette fois David C. Goyer pour écrire, réaliser et produire le film. Il avait impressionné la Warner pour son travail sur Batman Begins en 2005. Et donc, le cinéaste a donc contacté Ryan Reynolds pour incarner à l'époque Barry Allen, qui avait joué Flash. Mais voilà, en 2007, désaccord entre le futur réalisateur David S. Goyer et les studios Warner. Et le vlac, le David, il a décidé de s'en aller. Un peu plus tard, on engagera Sean Levy comme réalisateur. Et cette fois-ci, le script, on le donnera à Chris Brancato, qui va reprendre certains éléments de David S. Goyer. Mais il ne va pas rester bien longtemps. Après un autre désaccord avec la Warner Bros., eh bien, Warner Bros. Décide de mettre vraiment ça de côté et de reprendre des éléments et de développer un film sur la Ligue des Justiciers d'Amérique, Justice League. D'ailleurs, si vous êtes fan, on voit un film de la Justice League dimanche sur TF1. Ils aiment bien surfer TF1 sur les sorties de films, hein. En septembre 2007, George Miller signe alors comme réalisateur de Justice League Mortal, et c'est Adam Brody qui a été ensuite choisi pour incarner Flash. On choisit Adam Brody. Ce film doit être le premier d'une nouvelle franchise qui met en scène plusieurs personnages DC Comics sur plusieurs films. Le projet d'un film solo sur Flash reste toujours en développement, mais le réalisateur Sean Levy, qui était le dernier en date à qui on avait confié le projet, eh bien, décide finalement de quitter le navire, pour aller mettre en scène quelque chose d'un peu plus facile, La Nuit au Musée, rappelez-vous. Gros succès aussi pour lui, mais voilà, il avait peut-être bien fait de ne pas prendre ce projet-là. Alors bien sûr, un quatrième réalisateur va être quelque part un peu choisi, David Dobkin, qui va donc rejoindre le projet pour le remplacer. Et là, on est plutôt sur un film qui tournerait autour des personnages, autour de Flash, pas forcément sur Flash lui-même. On engage un autre... une autre personne pour le script, Craig Wright, mais voilà, ça va encore pas plaire à la Warner Bros, qui va donc de nouveau tout remettre en cause et annuler ce film sur Flash à l'intérieur de la Justice League. Et comme ça, on va passer des années, et en 2014, ça y est, ils sont sûrs d'avoir un Leur film, il est prêt, 2014 hein, quand même, ça fait donc presque 10 ans. Et annonce que Flash, ça y est, une date de sortie pour Flash en mars 2018 et qu'il fera partie de l'univers cinématographique des DC Comics. Et là, Ezra Miller est choisi pour incarner Barry Allen. L'acteur va apparaître notamment dans des petits caméos dans Batman contre Superman, l'aube de la justice, ou Suicide Squad, avec un rôle plus important dans le Justice League de 2017, celui que vous verrez dimanche sur TF1. En avril 2015, Phil Lord et Chris Miller sont réengagés comme scénaristes. Le Chris Miller, qui était déjà là il y a 10 ans auparavant. Et petit à petit, comme ça, voilà, on va aller d'écueil en écueil. J'en ai 3 pages, mais comme le temps presse, je vais aller directement au but, et il a fallu attendre mars 2019 où il va encore avoir de nouveaux départs pour se dire que Ezra Miller va commencer lui-même à écrire son scénario, parce que en tant que Flash, voilà, il a écrit une partie du scénario avec Grant Morrison, un scénario plus sombre que le précédent script. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Andrea Muschietti, qui va travailler avec Ezra Miller et Christina Hodson, qui rejoindra le projet ensuite comme réalisateur et scénariste. On arrive enfin à la fin 2019 à ce film que l'on attend depuis tant. Bien sûr, le début du tournage est annoncé pour les mois qui suivent. Ne t'endors pas, Laurent. Je vois que tu fermes les yeux. C'est un vrai roman, ce film. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe en 2020? Pas de bol. Ils ont leur scénario. Mais il y a une pandémie. Mais il y a une pandémie. Vraiment, pas de bol. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive au tournage qui va être tourné après la pandémie. Et on en arrive, tant bien que mal, à cette sortie le 14 juin en France 2023. C'est pour ça qu'on en a tellement parlé que la presse américaine est très inquiète sur ce film qui a été modelé, remodelé, remodelé pour arriver à un produit fini, mais après, je ne sais pas, 10 scénaristes, 10 réalisateurs, 25 scénaristes. Et entre-temps, on aura eu droit à 2 séries. Et entre-temps, on aura eu aussi droit à 2 séries. Et ce que j'ai lu, c'est qu'à un moment donné, on a pensé à Grant Gustin pour jouer le rôle dans ce film-là. Moi, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas pris forcément d'entrée, parce que pour moi, c'est Grant Gustin qui incarne jusqu'à présent Flash. Et c'est avec un petit peu de déception qu'on aborde ce film. Et tout de suite, comment commence ce film? Parce qu'on va arriver tout de suite à en parler, parce qu'il est déjà 19h20. Le film commence par cette très belle chanson qui nous replonge dans les années 80. C'est la chanson de Peter Cetera. Pour ceux qui ont connu cet été-là, vous n'avez pas pu passer à travers cette chanson. Cette chanson de Peter Cetera, If You Leave Me Now, voilà, si tu veux me quitter maintenant, qui a été un gros carton dans les années 80, eh bien, c'est par ce petit flashback qu'on entre dans cet univers de The Flash. Et c'est un des principaux soucis du film. Je commence direct par quelque chose qui est bien triste, parce que quand on parle des DC Comics, ce qui est important, c'est souvent la musique. On se rappelle de la musique de Batman. Il y a une ritournelle. Et il n'y a pas de ritournelle dans The Flash. C'est bien dommage que celui qui a fait la musique, et je ne sais plus qui c'est, mais je vais retrouver ça. En tout cas, le temps que tu cherches, moi je voudrais souligner que dans les années 90, on a eu une série sur M6 qui a été diffusée, une série américaine de CBS, et dans le rôle principal de Barry Allen, on avait John Wesley Chip. Alors, elle a duré que 22 épisodes, mais elle aussi, pour ça tout à l'heure je disais, on a eu deux séries entre les prémices, les débuts d'un scénario de The Flash au cinéma et le film qui vient de sortir. On a eu droit à la télévision quand même à deux séries. Donc au cinéma, ils n'ont pas réussi à s'entendre, mais à la télévision, ça a matché deux fois. Oui, c'est Benjamin Wallfisch, pas très connu, hein. Mais bon, il risque pas de le devenir trop parce que il y a de la musique, mais on reprend quand on voit Batman, on a la musique de Batman. Mais on n'a pas une vraie envolée. Ils auraient pu reprendre cette musique-là, par exemple. C'est Mylène Farmer ? Non, c'est la musique du générique de Flash, la série avec Grant Gustin, cette petite ritournelle. Voilà, tout de suite, c'est Flash. On imagine, on entend ça, c'est comme la musique d'Arrow. On entendait les notes, on savait que c'était Arrow. Eh bien, c'est pareil pour Batman, pour Supergirl, pour Superman. Il y a cette petite ritournelle, et celle-là, tu peux la laisser en fond. Et ça ne dérange pas. Voilà, ça manque. Et c'est peut-être un des gros points noirs de ce film. De toute façon, c'est pas à moi qui vais te contredire. Moi, depuis des années, depuis 21 ans, je me bats pour chaque année avoir un vrai générique pour Destination Série. Exact. Et là, on en a trouvé un. On le tient bien, celui-là. Ah bah, celui-là, on le tient. Quoique, avec un rétroviseur, le nouveau rétro-remix qui arrive ce soir, là. C'est... Possiblement ce soir, je sais pas. Voilà. On ne sait jamais. Hein. Restez fidèles à la rentrée pour voir s'il y a des changements. En tout cas, voilà, ce film commence sur cette musique-là. On n'a pas forcément la musique que l'on aimerait avoir, mais je vais quand même toujours tout de suite vous dire que ce film est quand même une réussite. En tout cas pour moi, il y a tous les ingrédients d'un film à grand spectacle, même si l'autre inconvénient du film reste aussi certains effets spéciaux, car des spécialistes, alors moi j'ai pas vu, mais des spécialistes ont repéré des fonds verts. Ah bon ? Ah oui, notamment sur la scène d'ouverture. Ça va, fout mal. Alors effectivement, alors c'est des spécialistes, hein. Des fonds verts, et alors ça commence, mais alors dantesque, avec 10 minutes de baston total, des bébés qui volent, c'est fantastique, l'arrivée de toute la Justice League presque qui vient au secours de ce qui se passe avec Flash. Franchement, une scène d'ouverture dantesque. Après, il y a ces deux personnages, cette dualité d'Ezra Miller qui va rencontrer son personnage quand il était plus jeune. Et il y a ce fameux multivers, le multivers de Flash, puisque le héros va vouloir repartir en arrière pour sauver sa mère. Et ce dont on... Effectivement, ce qui a été développé pendant très très longtemps dans la série et qui prend une place énorme, ici, même si le film fait 2h20, se retrouve condensé en 2h20. Ça va donc très très très vite, peut-être un peu trop vite quand même, mais l'autre remarque que peuvent faire certains spécialistes, c'est effectivement de dire que le multivers et le voyage dans le temps, même s'il y a plein de clins d'œil aussi à Retour vers le futur dans ce film-là, le temps du multivers est passé, il serait temps de passer à autre chose. En attendant, tout de suite... Multivers, ça veut dire... Passer d'un monde à l'autre et de revenir dans le temps, passé. Et ça, il y en a certains qui veulent passer à autre chose parce que ça a été trop traité dans la série. Bah, ça a été trop traité un peu partout, notamment chez la Warner. Okay. Voilà, ça devient un peu un leitmotiv, il serait temps de passer un peu à autre chose. On écoute tout de suite la bande-annonce. La bande-annonce. Explique-moi, tu es libre d'aller où tu veux. Dans une autre temporalité. Un autre univers. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver ? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. Le temps a une trame. Et la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants. C'est mon visage? Tu m'as volé mon visage? Si tu décidais d'aller dans le passé, tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. J'ai complètement brisé l'univers. Todd, nous attendions ta venue. J'ai créé un monde sans méta-humain. Il n'y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide ? Oui. Je suis Batman. je peux pas défaire ce que j'ai fait. Si je peux pas rentrer. On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi, là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Voilà cette bande-annonce qui donne effectivement envie, hein, puisque le gros bonheur qu'on peut avoir aussi, c'est retrouver Batman, l'univers de Batman avec les deux, notamment Michael Keaton, qui est quand même le Batman, le seul et unique Batman. On retrouve aussi Ben Affleck dans l'autre monde que va rencontrer Barry Allen. Et donc tout ça fonctionne à merveille. Et donc, à la question que tout le monde peut se poser, quel avenir pour ce Flash? Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir un autre film? La réponse est clairement oui, puisque à l'image de ce qui est fait chez Marvel, à la fin du générique, vous avez un petit... Enfin, avant et après, vous avez un petit lancement sur la suite. Un petit teasing. Et notamment, on va se rendre compte que quand il pense avoir tout remis dans l'ordre, un peu comme dans la série en fait, et donc avoir réussi à tout remettre en place, eh bien, il va rencontrer son copain Batman, comme il le dit. Et malheureusement, il ne va pas avoir la tête qu'il s'attendait. Et je ne vous dirai pas la tête qu'il a, mais c'est quand même quelqu'un qui est hyper connu, que l'on voit aller 15 secondes, 20 secondes. Et est-ce qu'effectivement ce personnage-là va aussi rejouer dans la suite? C'est quelque chose d'assez hilarant. Donc ça veut dire que le personnage qui... Enfin, l'homme qui devient Batman n'est plus le même? Oui, bah, c'est-à-dire qu'il pense avoir tout remis dans l'ordre. Mais en fin de compte, il y a un changement de personnage. Donc il retrouve tous les personnages autour de lui qui ont la même tête. Donc il dit ça y est, c'est... Et donc après, il veut retrouver son ami Batman, qui va aller retrouver dans un endroit, quand il va ouvrir la... Quand Batman va sortir de sa voiture, eh ben, ce ne sera pas la même tête. C'est encore une troisième tête. Donc, on a trois Batman, quand même, dans ce Flash. C'est quand même assez... Alors, ils ont choisi qui? Bruce Willis? Non. À ton avis. Mr. Bean? Je te le dis. Si je te dis what else? Ah bon? Voilà, mais je vous le dirai pas son nom, comme ça si vous n'avez pas vu le film, un peu de suspense, même si d'ici ou là on en parle peut-être, mais voilà, on laissera le suspense pour ça. Donc ce qui amène effectivement à une suite éventuelle. Alors est-ce que le film va être aussi bon, va fonctionner pour que le scénario... qui est déjà bien écrit, hein. Apparemment, la suite est déjà prévue, mais est-ce que ça va... J'espère que ça ne mettra pas 15 ans pour arriver après. Mais donc, en parallèle à ça, c'est très important ce film pour cette... Parce que c'est... Alors que Marvel est à fond les manettes, fonctionne à merveille, c'est la Warner Bros. Est plutôt mal en point et elle a changé aussi à sa tête. Il y a eu des gros changements. Donc ce film-là, avec l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de Warner Bros. En 2022, c'est vraiment le film qui doit lancer la nouvelle ère chez Warner Bros. Est-ce que ce pari va être réussi? Nous le saurons dans quelques mois, lorsqu'on aura les chiffres des spectateurs du monde entier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur The Flash. Je vous le recompulserai avec toutes les musiques, parce qu'il y a aussi plein de musiques intéressantes, plein de chansons intéressantes. Juste, je terminerai par avoir un petit regret, c'est que les personnages, on avait l'habitude, effectivement, dans la série qui s'étale sur 8 saisons, eh ben, d'approfondir tous les personnages autour de Flash. Et même si Ezra Miller joue particulièrement bien sa partition, et même si on regrette Grant Gustin, il joue particulièrement bien cette dualité, ça lui va bien ce rôle finalement. Eh bien, on regrette que les personnages autour ne soient pas aussi creusés que dans la série, mais là c'était inévitable. Petit bémol quand même, j'ai pas voulu, c'est volontaire, parler des frasques d'Ezra Miller parce que dans ce qui a fait peur aussi à Warner Bros. Juste pour le lancement de ce film, c'est qu'Ezra Miller a des casseroles au derrière, si vous me permettez l'expression. Voilà, il n'est pas bien dans sa peau le jeune homme, et il a fait pas mal de choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il y en a pour tous les goûts et voilà, dans tous les domaines. Donc c'est pour ça qu'il a été privé de promotion, Ezra Miller. Et c'est pour ça que voilà, vous ne verrez pas Ezra Miller promouvoir le film The Flash. Il se fait, enfin voilà, la production a décidé de le mettre dans un trou de souris en attendant que ça se calme. Voilà. Ok. Donc ça se rajoute après tous les épisodes pour voir arriver ce film. Donc avec ce dernier détail, tu es en train de nous dire qu'il pourrait très bien faire un film sur les coulisses du film. Ah bah, je pense qu'il y aurait de quoi faire un film sur comment on est en arrivé. En plus, on partirait des années 80, on ferait les années 90, les années 2000. Ah, on pourrait faire une énorme bande-son pour le film. C'est clair. En tout cas, allez-y, hein, parce que franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes fan de ces séries-là et de ces films de ce type-là, vous ne serez absolument pas déçus. Alors maintenant, c'est le boulevard Bienvenue au Palais ? Non, bah là, on va s'arrêter là. Oui. On va s'arrêter là. On met quand même Natalia ? Oui, si tu veux, pour terminer. Alors, Natalia Lafourcade, en fait, c'est... Alors, parce que je continue un peu du coup. C'est cette chanson-là, c'est la chanson que chantait la maman de Barry Allen. Voilà, elle chantait, c'est une chanteuse. Dans la cuisine, elle aimait bien chanter ça. Et en plus, l'actrice a un accent espagnol et tout. Donc, c'est surprenant hein, quand on a eu l'habitude de voir la mère de Barry Allen, oui. Voilà, incarner une bonne américaine classique. Faut savoir autre chose, la dame, c'est madame, la madame Barry Allen, la mère de Barry Allen, elle parle un peu comme ça, j'exagère à peine. Et donc voilà, donc elle chante une très belle chanson de Nathalie Lafourcade, Piensa en mí, et on se quitte sur cette chanson-là. Et je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour le Hot 40 et la semaine prochaine avec Laurent pour Destination Série, et ça ira mieux demain. Au revoir. Penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siente. También. confiance en lui. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Quiero